2, 1, 2, 3, 4. Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Tous les mercredis, de 22h à 23h. Prune 92 FM. Boum boum mo, musique française et francophone curieuse des années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, bientôt 2030. Yes. 2022, putain, comment ça va, Jonas? Ça va très très fort, je finis de faire un backflip là, je suis un peu essoufflé. Ouais, je vois ça. Ouais. T'as même les cheveux qui commencent à repousser en fait, ça va à l'inverse toi, c'est un truc de fou. Hein. Exactement, c'est ça, je reprends du poil de la bête mec. Incroyable. Ouais, bon par contre on vieillit un petit peu, avant, ouais. À l'époque je me souviens genre dans les premières saisons de Boum Boum Mo, ouais. On prenait pas de pause à Noël, je faisais des mix pour les c'est deux vrai. Émissions des vacances. Mm-hmm. Et maintenant on part en vacances une semaine avant les vacances de c'est Noël. Parce qu'on a des enfants maintenant, tu vois, on est obligé de prendre des vacances. Ah bah tu m'as pas tout dit, j'étais même pas au courant. Désolé pour ces petites pauses, on vieillit, on a un peu la flemme et plus les années passent, moins on fait d'émissions, mais on fait quand même des émissions. Ouais, voilà, exactement. On fait des belles émissions et puisqu'on en avait marre, on en a jamais marre d'inviter des DJ, mais puisque... Pour changer voilà, les habitudes. On voulait changer. Ce soir, on n'a pas invité un DJ. Ce soir, on va pas écouter de la musique électronique. Ce soir, on va parler d'un homme à tout faire. On va parler d'un cheminot à nard, d'un chansonnier à la voix chevrotante, d'un troisième couteau du cinéma français, d'un écrivain oublié. Mm-hmm. Nous allons parler de Roger Riffard. Et comme ni toi ni moi, Jonas, n'étons des spécialistes de cette figure oubliée, Roger Riffard, nous avons invité un biographe quasiment, on va en parler tout à l'heure, il va détester, il me déteste déjà, Benjamin Reverdy de Bouclard Édition. Tu es éditeur, Benjamin, et cofondateur de cette maison nantaise, cette maison d'édition nantaise, Bouclard Édition. Et vous avez réédité deux textes de Roger Riffard, comme je le présentais. Il est chanteur, il est comédien, il est acteur. On va en parler pendant une heure. On va déjà commencer par parler de toi et de cette maison d'édition, Bouclard. Fondé en 2018, vous êtes trois dedans. Tout à fait. Déjà, merci de l'invitation. J'aime beaucoup ce que tu fais et ce que vous faites. voilà, on s'est déjà croisés dans d'autres vies, mais après avoir travaillé assez longtemps dans la musique, j'ai changé de vie il y a quelques mois parce que voilà, en 2018, on a créé avec deux associés, Clément et Thierry, une maison d'édition qui s'appelle Bouclard. C'est parti de d'une revue littéraire qui est une revue d'enquête. On utilise le terme un peu gonzo, qui est le terme un peu anglophone, c'est-à-dire des articles qui sont un peu aux confins de la subjectivité, de la non-fiction, du journalisme, un peu de fact-checking, donc un peu de mélange, un peu de tout ça. Loire-Atlantique parano. Voilà, c'est un peu, voilà, un peu nos dada. Moi, je suis journaliste à la base. Et du coup, on a créé cette revue qui est une revue littéraire. C'est-à-dire, on voulait mélanger des formes un peu anglo-saxonnes du rapport à l'enquête et de parler de littérature. Donc, par exemple, dans un numéro, on a fait une enquête sur un institut du paranormal à Paris qui a 6-7 000 ouvrages sur le paranormal, qui s'appelle l'Institut Métapsychique International. C'est un peu les Ghostbusters de la littérature. Et on a envoyé un gars là, qui vient de sortir deux super bouquins sur les fantômes, qui s'appelle Philippe Baudouin, qui a fait une enquête sur cette librairie, cette bibliothèque. On a fait un portrait d'un mec qui écrivait du porno en Colombie, qui s'appelait Hernan Oroz, qui est mort l'année dernière, qui écrit du porno et qui était citoyen d'honneur de la ville de Cali, en Colombie. Je crois qu'on pourrait passer une heure entière d'émission à parler de la des façon dont vous cherchez vos sujets. Et c'est justement la première question que je voulais te poser, Benjamin. Comment Bouclard Édition s'est retrouvé à rééditer des bouquins de ce chanteur, comédien, un peu homme à tout faire, Roger Riffard, dont on va parler ce soir? En fait, je pense que ça part qui est totalement inconnu du grand public. Malheureusement, ouais, comme vous allez, enfin, on va en parler, mais comme des gens qui gravitaient autour de lui. Et je pense que ça part de la revue. En fait, comme on a commencé à publier cette revue, les gens ont commencé à la lire. Il a commencé un petit peu à circuler en librairie. un peu sous le manteau peut-être parfois. et puis il y a un autre éditeur qui s'appelle Édouard Jacquemoux. Édouard, lui, il bosse pour un éditeur qui s'appelle L'Échappée, qui écrit, enfin qui sort des textes. Voilà, autour bon, assez libertaire, avec aussi des romans, voilà, de autour de voilà de plein de personnages, et dans une collection qui s'appelle Lampe Tempête. Donc c'est des textes assez orientés anar, liberté au sens large, des textes qui moi me parlaient beaucoup. Et Edouard, en lisant la revue, dit tiens, j'ai peut-être un sujet pour vous ou des trucs, alors qu'il commence à me parler de sujets et tout, et il me parle de Roger Riffard. Et il me dit, bah, je t'enverrai un truc, c'était à Paris, je t'enverrai un truc par mail et tout. Et en fait, il m'envoie un article qu'il a écrit, parce qu'il est aussi journaliste dans la revue Schnock, que sans doute vous connaissez. Tout à fait. Je lis l'article qu'il a écrit dans Schnock, qui est un truc assez court, je sais pas, 5-6 pages. Et je découvre la vie de Roger Riffard. Je me fais, putain, le mec... voilà, il a eu 1000 vies dans une vie. Il a commencé, il était instit, il a été cheminot, il a été comédien dans les films de Blié, de Zidi. Je commence à regarder sur Google, je vois sa tronche, parce qu'il a vraiment une tronche. Je me dis, mais non, mais je l'ai vu dans, notamment dans Rabbi Jacob, des textes, enfin des films vraiment de la culture populaire française et tout. Et il me dit, Edouard, bah, je sais que vous êtes assez open dans ce que vous publiez, puisque là, on commençait à réfléchir à publier des livres et on voulait faire de la réédition. Mais rééditer des textes, voilà quel choix on fait, pourquoi on réédite tel texte et comment on raconte une histoire de pourquoi on réédite ces textes. C'est-à-dire que si tu fais tes choix, ça impose un peu une ligne éditoriale. Et nous, chez Bouclard, on a envie de raconter des histoires. Donc l'auteur est aussi important. C'est pour ça que tu l'as lu un peu le pédigré de Riffard, on l'a mis sur la couverture du livre, parce que pour nous, quand on réédite, ça fait partie de cette démarche. Et en fait, il me dit, voilà, il y a deux textes de Roger Riffard, ce sont des romans, je voudrais vous les proposer, voir si on peut bosser ensemble, j'en écrirai la préface et tout. Et il me dit, bah, je te les envoie, parce que tu ne peux pas les trouver, je les ai trouvés un chez un bouquiniste, je ne sais plus dans quel bled. Et l'autre, c'est un truc qu'il a chopé à la BNF, parce que vous savez, dans les livres, c'est toujours mis dépôt légal, c'est-à-dire qu'en France, heureusement, c'est comme ça qu'on retrouve des choses, tout est archivé à la BNF. Du coup, il m'envoie donc un truc photocopié de 150 pages et un bouquin, donc c'était publié par les éditions Julliard, qui ont été rachetées parce que les maisons d'édition, c'est un business. Maintenant, ça appartient à Robert Laffont, qui est même sans doute dans un autre groupe. Pas réédité depuis les années 50. Je raconterai un peu peut-être après... l'histoire un peu de l'enquête pour le trouver, puisque je lis les textes, je les trouve mais absolument formidables. Je suis sur le cul, on est au premier confinement, j'ai besoin d'un truc pour me refoutre un coup de pied au cul. Et je lis ça, je me dis, mais ah, c'est génial. Je rappelle Edouard et je lui dis, Edouard, mais ok, c'est pour nous. Et il me dit, ah, j'ai juste oublié de te dire un truc, c'est que j'ai écrit l'article en 2017 et j'avais cherché son ou ses ayants droit, je ne les ai pas trouvés. Et le mec me taille. J'ai plus rien, je me dis merde, ça se trouve, le truc va pas se faire, quoi. Benjamin Robert Diftar est ici. J'aurais pu te poser 1000 questions, te faire 1000 relances. On n'a que une heure d'émission. On va écouter un premier morceau de Roger Riffard dont tu parles si bien. Et après, on va essayer de dérouler le fil de sa biographie, de reparler de ses bouquins, de reparler de plein de trucs. Je fais juste un petit clin d'œil à Jonas. 2022, 8e saison de Boom Bomo. Ça y est, on parle plus de disques rares, on parle de livres rares. Oui, voilà, exactement. On a atteint un point supérieur dans la maturité de cette émission. Après les disques et les câbles, les livres rares. Exactement, c'est notre nouveau hobby. Benjamin, le premier morceau de Roger Riffard, c'est Les Petits Trains qu'on va écouter. Un morceau qui parle notamment de sa carrière de cheminot dont on va reparler de cheminot, juste après. Et puis il y a un truc très fort dans ses textes de chansonnier, c'est un truc hyper enfantin en fait. Faut revenir gamin et se laisser porter par les textes et par sa voix, tu le disais tout à l'heure, chevrotante. Boom Bomo spécial Roger Riffard, on invite Benjamin Reverdy ce soir en ensemble jusqu'à 23h sur Prune et on écoute un premier morceau, Les Petits Trains. Sur les quais des gares, les petits trains sont à la mare. Les petits trains, en trois bonds, sont au bout de l'horizon. Moi je reste sur le quai des gares à les suivre du regard. Sur les quais des gares grises, y a des gens chargés de valises. Les petits trains en trois bonds les conduisent à l'horizon. Moi j'agite mon mouchoir, question de leur dire au revoir. Suis le balayeur qu'on voit, balayant le long des voies. Les petits trains en trois bonds sortent de mon horizon. Où ce qu'ils peuvent bien fiche le camp, que je me dis en balayant. Ils s'en vont vers des pays pleins de blé épanouis. Les petits trains en trois bonds parvenus à l'horizon. Siffle des airs guillerets par les champs et les forêts. Quand ce sera l'enterrement de mon cousin Ferdinand, le petit train en trois bonds m'emmènera vers l'horizon. Ça me fera trois jours de vacances, je m'en réjouis d'avance. Je suis le balayeur qu'on voit, balayant le long des voies. Les petits trains en trois bonds sortent de mon horizon. Où ce qu'ils peuvent bien fiche le camp, que je me dis en balayant. Roger Riffard, les petits trains, Boom Bomo étant évidemment une émission portée sur la musique. On va plutôt avoir tendance à parler de la carrière musicale de Roger Riffard, mais on va essayer aussi, on va pas faire qu'essayer d'ailleurs, on va aussi aborder toutes les autres facettes de la personnalité de ce monsieur qui est né en avril 1924. Benjamin, je me tourne vers toi, tu connais plus, et qui est mort le 28 octobre 1981. Il a fait mille choses dans sa vie, tu peux nous dresser rapidement le portrait, les grandes lignes de ce parcours ? Alors après c'est difficile, hein. Je tiens ça de gens qui m'ont raconté des trucs, de ce que j'ai pu lire, de ce que m'a filé comme info Edouard dans l'article dans Schnock et tout. C'est qu'il aurait été instituteur, on disait ça à l'époque, instituteur. Et puis assez vite, je pense, après-guerre, parce qu'il a 20 balais, quoi, il s'est retrouvé à être cheminot. Ce que je disais tout à l'heure en rantaine, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte, cheminot dans les années 40, c'est la mine, quoi. C'est hyper physique, tu travailles de nuit, il fait froid, c'est dangereux, et c'est vraiment du travail de prolétaire. Et c'est un truc, je pense, qui l'a marqué, c'est-à-dire que dans les textes dont je parle, mais aussi dans ses chansons, il y a un côté vraiment prolo, quoi. Nous, on parle d'un peu de littérature prolétarienne, d'ailleurs. Voilà, c'est un ouvrier, quoi. Au sens propre, c'est un ouvrier qui a été ouvrier, je pense, une bonne partie de sa vie. Et dans les années 50, il avait un petit don, je pense, pour l'écriture. Je pense que certains de ses amis l'ont un peu incité à écrire, notamment René Fallet, qu'on écoutera peut-être tout à l'heure. Je vous raconterai un petit peu qui était aussi René Fallet, parce que c'est des gens qu'on connaît, mais sans les connaître, comme Roger Riffard. Et j'espère d'ailleurs que ceux qui nous écoutent sont en train de chercher dans Google des photos de Roger Riffard, parce que quand vous allez le voir, vous vous direz « Ah, mais je l'ai déjà vu !» Puisque, voilà, chansonnier dans les années 50, fin des années 50, dans la période bénie des cabarets parisiens, rive gauche. Et voilà, il côtoie tous les gens qui ont marqué la chanson française que vous défendez. Voilà, de Anne Sylvestre à Jacques Brel, à Bobby Lapointe, à Georges Brassens, qui était en fait, d'après les informations qu'on a, un de ses meilleurs amis. Qui signe d'ailleurs le petit texte de présentation au recto de l'unique album de Roger Riffard, ouais, je crois. Ouais, ils étaient potes. Ils ont jamais joué ensemble. Ils se sont croisés sur scène, mais il a jamais fait, par exemple, Roger Riffard a jamais fait la première partie à Bobino ou je ne sais où de Brassens. Et puis après, donc il a écrit des chansons pour d'autres. Et je ne sais pas comment, parce que je pense aussi parce qu'il avait une gueule et qu'il avait une voix, mais c'est qui est marrant, c'est plutôt sa gueule qui est restée. Il a fini par faire du cinéma, donc il était comédien, il a fait aussi un peu de théâtre et il a fait de la publicité. Et il a fait des films qui sont tous des films de la culture populaire. Donc, il a joué dans Rabbi Jacob, dans Buffet froid, en gros, dans les films de Blié, Zidi, Gérard Houry et Henri Verneuil aussi. Donc, un peu des classiques du cinéma français. Moi, j'utilise le terme populaire parce que je trouve que populaire et Rifard, ça fonctionne ensemble. Parce que, voilà, c'est le peuple, les gens qui allaient dans les cabarets, qui allaient s'encanailler le soir. Et puis, pour boucler la boucle, il est resté un peu dans l'ombre en tant que chansonnier ou qu'artiste au sens large de d'autres qui ont un peu plus brillé, notamment Brassens. Et manque de bol, Rifard meurt 2 heures avant Georges Brassens en octobre 1980. Et quasiment personne ne parle du décès de Roger Rifard. Dans l'ombre, jusqu'à sa mort, il est resté dans l'ombre, quoi. C'était un outsider. Un outsider. T'as cité rapidement, je crois, le nom de René-Louis Laforgue. C'est un chanteur dont qu'on va écouter maintenant, qui a chanté un texte de Roger Rifard, Le poseur de rails. Alors, ouais, en fait, c'est marrant parce que ça fait écho à une partie de la vie de Roger Rifard qui était le rail, quoi, être cheminot. C'est aussi le lien avec le premier texte de lui qu'on a réédité qui s'appelle La Grande Descente. Et ce qui est marrant, parce que vous ne pouvez pas le deviner, mais là, c'est une émission, un extrait d'une émission de télévision. Donc voilà, le son n'est pas ouf. Et sont tous les potes qui sont autour de Laforgue, qui était un chansonnier résistant d'origine espagnole. Et on écoutera tout à l'heure un son qui, à mon sens, faisait un peu écho de Roger Rifard, qui s'appelle Mon copain d'Espagne. Et en fait, là, la guitare, c'est Brassens qui la tient. Il fait un parti les chœurs, et dans les chœurs, il y a aussi Roger Rifard. Incroyable. René-Louis Laforgue, le morceau s'appelle Le poseur de rails. Et si tout le monde est d'accord, on va en parler hors antenne, mais on en verra juste après le morceau de Rifard qui parle de Laforgue, mon ami d'Espagne. On écoute Boom Boom, on est ensemble jusqu'à 23h. Ray, hop, ray. Je suis un poseur de rail, comme l'était mon père. Je me suis mis au travail, quand la mort lui dit vieux frère. J'ai hérité du chemin que mon bonhomme de père avait suivi comme un chien jusqu'à son heure dernière. Au boulot, vaille que vaille, on pioche et l'on taille par les champs et la rocaille, l'immense route du rail. On construit un éventail qui par Rome ou par Nanterre grandit comme la semaille sur tous les coins de la terre. Dès que paraît le matin, les sirènes nous appellent. On oublie le mal de rein, on n'est pas des demoiselles. Ré-hop, ré-hop. Chaque jour, maille après maille, grandit le chaînon du rail. Attachés à la ferraille, en cœur tout le monde braille. Ré-hop, ré-hop. Je vais le long du chemin, la musette en bandoulière. Je repars toujours plus loin, jusqu'à mon heure dernière. Quand trop vieux pour le turbin, je ne pourrais plus rien faire. En voyant passer les trains, je viderai quand même quelques verres. Revenait d'Espagne, m'a dit d'un air bizarre, sur le quai de la gare d'Austerlitz. Ah mon Dieu, quel pays de cocagne, que la sauvage Espagne, en ses rues de montagne et ses chaudes campagnes, c'est inouï. À ces mots, transporté d'enthousiasme, à mon copain Erasme, j'ai tenu ce propos. vite. Je brûle que tu m'expliques. Stenoble et magnifique, péninsule ibérique. Moi qui n'ai fait sur mon vélo que le tour de Suresne plutôt. Olé, mon copain qui revenait d'Espagne. Caramba, qu'il s'exclame sur le macadam d'Austerlitz. Oh mon Dieu, il n'y a rien de plus chouette que le chant des castagnettes que les espagnolettes brandissent au-dessus de leur tête. C'est inouï. À ces mots, transporté d'enthousiasme, à mon copain Erasme, j'ai tenu ce propos. Vite, vite, je brûle que tu m'expliques. Stenoble est magnifique, péninsule ibérique. Moi qui ne connais d'autre horizon que les toits de la Garenne Beson. Olé, mon copain qui revenait d'Espagne m'a dit faut que je t'instruise sous la marquise d'Austerlitz. Ah mon Dieu, tout n'est que rigolade auprès des corridades. La ville de Grenade où ce qu'il y a des sérénades, c'est inouï. À ces mots, transporté d'enthousiasme, à mon copain Erasme, j'ai tenu ce propos. Ah mon frère, tu parles comme un livre, et ton discours m'enivre, moi qui rougis de vivre dans ce pays sans intérêt qu'on nomme le Valois-Perret. Olé, olé, Roger Riffard, mon ami d'Espagne. Je suis allé boire une gorgée de bière pendant ce double morceau, puisque oui, Benjamin Roverdy nous a amené de la bière. Ça remet un petit coup de pression à tous nos futurs invités, Jonas. On aime bien quand même quand on se fait payer un coup. Un coup de pression, t'es bon, Jonas. Oh ouais, ouais, c'était super. Pas fait exprès. Oh, bien sûr. C'était pas fait exprès. Et figurez-vous qu'en allant boire une petite gorgée de cette délicieuse bière belge, merci Benjamin, l'équipe d'Indie Ways, que je salue, cette fabuleuse émission diffusée tous les mercredis sur Prune à 20h, l'équipe d'Indie Ways me disait... Ça change un petit peu de style de d'habitude. Et c'est vrai, ils ont raison et ça nous fait hyper plaisir de jouer autre chose que de la musique électronique, du disco, de la new beat. Oui, on revient aux racines. Et on revient aux racines de Boom Bomo. Très nostalgique. Là, et moi, ça me fait penser à mes tout débuts de Boom Bomo quand j'étais hyper fan d'un chanteur que tu aimes bien aussi, Benjamin, qui s'appelle Boris Vian. Ouais, c'est un chanteur et c'est un écrivain. Et c'est un dandy. Ouais, moi, j'ai lu quasiment tout Boris Vian. Et souvent, moi, ce qui m'anime, c'est je vais aller chercher. Tu vois, j'ai lu les bios sur Boris Vian. D'ailleurs, il n'y a pas de bio sur Roger Riffard. Peut-être qu'il faudrait qu'on s'y colle. C'est ça. Et Boris Vian est plus connu. Et on parlait de ses morts tragiques. Donc voilà, que Boris Vian est mort à la projection du film « J'irai cracher sur vos tombes », adapté de son livre. Et il ne validait pas, en fait, cette adaptation. Et voilà, il en est mort, presque. Il y a des points communs sur leur décès, puis il y a des points communs sur leur carrière. Alors, Boris Vian, lui, il est mort bien avant Roger Riffard, en 1959, je crois. 57, ouais, fin des années voilà. 50, ouais. Mais c'est cette période des cabarets parisiens dont tu voulais parler et que ouais. Roger Riffard a bien connu. Ouais, en fait, là, déjà, je vais parler sous couvert... Je pense qu'il nous écoute. Bon, j'ai coupé mon téléphone, sinon je sais qu'il m'enverra un SMS. En fait, la personne qui a été un peu à la charnière de ce projet de réédition de Roger Riffard, donc de ses romans, et d'enquête un peu sur qui était ce monsieur, que moi, j'ai fini par appeler par Roger. En fait, comme si c'était un copain. Et c'est un truc qui revient dans son œuvre, c'est que voilà, il a écrit sur l'amitié et les copains. C'est un monsieur qui s'appelle Gilles Tcherniak. Et en fait, Gilles Tcherniak, c'est lui qui m'a un peu connecté sur des éléments un peu phares de la vie de Roger Riffard, puisque son papa, qui s'appelait Léon, et sa maman, qui s'appelait Yvonne, ont tenu un cabaret qui était un des cabarets les plus populaires de l'époque, si on peut dire... les plus populaires, parce que d'après ces infos, dans ce quartier à Paris, donc dans le 5e, à l'époque, dans les années 50, il y avait quasiment une vingtaine de cabarets sur 300 mètres. En gros, pour vous resituer, si vous ne connaissez pas Paris ou pas suffisamment, c'est derrière le Panthéon, ça va de la rue Descartes passant par la rue, la place Contrescarpe. Donc là, on coupe Google Images avec voilà. La photo de Roger Riffard, on va sur Google Maps et on voilà, visualise un peu. On visualise la tronche de Roger Riffard. Avec le Paris des années 50, voilà. Le Paris des années 50, et on finissait sur la rue Mouffetard. Et d'après Gilles, donc il y avait pas loin d'une vingtaine de cabarets. Et voilà, ça coquinait le soir, ça draguait, ça buvait des coups de mauvais vin, du picrate. Et en fait, voilà, Riffard est dans ce Paris-là des années 50, entouré. Voilà, je pense qu'à l'époque, si on les resitue, il suffit de fermer les yeux et on voit Riffard à 1h du mat en train de boire du pinard place Contrescarpe, qui à l'époque est un rond-point, avec Brassens, Bobby Lapointe, et saluer sans doute des ouvriers avec qui il a bossé quelques années avant sur les rails. Et voilà, donc pour moi, voilà, ils passent des choses, ils discutent, je pense qu'ils s'écrivent des choses les uns pour les autres, qu'ils s'influencent et ils vont jouer dans les cabarets, voilà, qui ouvrent très tard le soir dans Paris et où se croisent un peu, voilà, plein de personnages assez célèbres aujourd'hui, Raymond Devos, Pierre Etex, qui était un clown, dramaturge, comédien, qui a fait plein de choses à cette époque-là, des chansonniers, des femmes aussi, qui font de la chanson, puisque il y avait beaucoup d'hommes, il y avait aussi pas mal de femmes. Là, je vous renvoie sur un super documentaire qui permet bien de saisir l'époque des cabarets, d'un documentariste qui s'appelle Yves Geland, qui s'appelle « Il est minuit, Paris s'éveille », qui se trouve sur un certain nombre de plateformes VOD. Je vais en citer une parce qu'elle me plaît plus que d'autres, qui s'appelle « Cinémutin ». C'est une plateforme de VOD un peu militante, avec plein de bons docus. Et donc, on peut trouver ce documentaire pour se remettre un peu au cœur de cette période-là. Il y avait, là, peut-être on peut écouter le son juste après, il y avait ce cabaret que tenaient, en fait, les parents Yvonne et Léon de Gilles Tcherniac, qui s'appelait le Cheval d'Or. Et le Cheval d'Or était au 33 rue Descartes. Donc, si vous voulez balader dans Paris, vous voulez faire une petite... Voilà, un petit back to the future, enfin, du passé. Vous allez, voilà, rue Descartes au 33. Maintenant, c'est un restaurant asiatique. Mais il y a en haut de l'enseigne, une petite enseigne commémorative qui rappelle qu'ici, dans les années 50 et jusque, voilà, plusieurs années après, il y avait un cabaret où se croisait tout le gay Paris, comme on disait, au 33. Et là, on va écouter René Fallet qui a introduit un petit documentaire de l'époque sur le Cheval d'Or, et René Fallet, un des textes de Roger Riffard lui est dédicacé. Et en fait, qui était René Fallet? C'était un écrivain avant tout, c'était un journaliste, il collaborait régulièrement au Canard Enchaîné, et René Fallet est en fait l'auteur de La Soupe aux Choux, qui est le roman qui a inspiré ensuite le film qu'on connaît, avec les auteurs qu'on connaît, de Funès et Villeray. Et qui a donné, voilà, ce film de culture populaire incroyable. Donc en fait, ils étaient potes, et là c'est René Fallet qui parle en quelques secondes, il résume ce qu'est le Cheval d'Or à l'époque. L'extrait était calé, Jonas, c'est parti. En ce temps-là, j'étais affligé de voisin du dessous, grand producteur de coups de balai au plafond. Grâce à ces amateurs de silence, je découvris le Cheval d'Or, qui devint pendant quelques mois mon refuge d'à peu près chaque soir. J'ai vu là Jean-Pierre Suc, bien entendu. J'ai vu là Raymond Devos. J'ai vu des gens pas mal débuter en public. Du public, il faut bien l'avouer, il n'y en avait pas toujours. Ce n'était pas grave. Il y avait toujours quelques copains pour applaudir ou ne pas applaudir les artistes. C'est là que j'ai vu pour la première fois Pierre Etex, qui, depuis... Oui, mais nous, on n'écoutera pas Pierre Etex, on va écouter que Roger Riffard. Tu avais encore plein de trucs à nous dire sur ce cabaret, le Cheval d'Or. Ouais, bah déjà, moi, j'adore la voix de René Fallet. Là, incroyable. On est dans les années 50. La voix, les intonations, ouais, c'est exceptionnel. C'est le mec qui te raconte l'histoire et t'es là et t'écoutes. Et il y avait donc un certain nombre d'artistes qui se produisaient. Et ce qui est un peu l'histoire aussi, quand Gilles me l'a raconté, il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque. Ses parents étaient d'origine d'Europe de l'Est. Ils sont d'origine juive. Ils fuient les pogroms pour venir en France. Bim, ils tombent sur les Allemands qui arrivent en France, et c'est l'occupation. Donc je pense qu'à l'époque, ils doivent se planquer. Et en fait, son papa, Léon, est dans le vison. On sait qu'il y a des métiers qui sont liés aux communautés juives, donc notamment la fourrure, les vêtements, les costumes, et notamment les visons. Et en fait, ils montent à Paris, ils habitaient à Toulouse de mémoire, ils montent à Paris et ils montent un magasin de visons au 33 rue Descartes. Et en face de lui, il y a un type qui arrive et qui commence à, en fait, à un peu démocratiser la pratique de la guitare et la vente en fait, personnelle de guitare. Avant, tu t'achetais pas de guitare, tu l'héritais et tout ça, tu en héritais. Et un jour, ce mec-là dit, donc j'ai oublié son nom, dit à Léon Tcherniak, parce que les cabarets commençaient à s'ouvrir dans cette partie de Paris, et il lui dit, mais tu veux pas qu'on monte un cabaret ? Et Léon lui dit quasiment... du jour au lendemain, ok, banco, on monte un cabaret. Donc, du jour au lendemain, il faut se remettre dans le truc, c'est quand même incroyable. Le magasin de visons devient un cabaret interlope parce que ça ouvre très tard le soir, on y picole. Les jeunes, ils font un peu n'importe quoi. Ce que je te disais aussi tout à l'heure en antenne, c'est que si vous allez aussi à Paris, vous voyez qu'il y a un énorme bâtiment rue Descartes qui est maintenant relié au ministère de l'Éducation, je crois. Mais à l'époque, c'est l'école polytechnique. Donc, c'est un peu les saints des écoles françaises qui forment toute la upper class. Donc, avec des militaires, en gros, qui ont un bicorne, qui ont des tenues réglementaires. Bicorne, c'est ces gros chapeaux. Ouais, les chapeaux, qui étaient... c'est la tradition, c'est Napoléon, ça a même été, je crois, créé au XVIIIe siècle. C'est une institution, c'est le patrimoine historique de la France et tout. Et ces mecs-là sont là à l'école. Et en fait, ils sortent tard le soir de Polytechnique. Et il y a un rad qui a monté une arrière-salle avec des casiers. Les mecs se dessapent, ils enlèvent leur uniforme, ils mettent un truc civil. Ils vont faire les cabarets. À l'époque, a priori, un des premiers cabarets... avec des transformistes et gays, donc faut se remettre aussi dans les années 50, c'est un truc qui est pas évident, donc c'est le Paris vraiment qui permet de démocratiser et d'ouvrir certaines choses. Et les mecs après vont coquiner, vont faire des conneries, vont picoler, vont écouter des chansonniers et après le soir ils remettent leur uniforme et ils retournent devant le peloton qui est à l'entrée de l'école, montre patte blanche en essayant de faire gaffe à pas être trop bourré, et après vont se coucher hyper tard et après reprennent leur vie de militaire. Incroyable. Et donc c'est vraiment cette époque-là, donc ça mélange vraiment toute la classe un peu privilégiée de la société, ça mélange des ouvriers et puis le milieu de l'art et de la chanson. Et parmi... les gens qui sont très proches de Roger Riffard, qui seront très proches de lui même après sa mort, c'est Anne Sylvestre, qui est interprète. Tu fais les transitions tout seul, j'ai même pas besoin de te relancer. On va te laisser, on va filer, tu gères le podcast et puis merci. Tu le mets en ligne demain. Anne Sylvestre, on en parlait, tu en parlais brièvement tout à l'heure, on va l'écouter maintenant. Tu voulais nous en dire plus j'en parlerai après. Comme tu veux, coupé. C'est parti. Non, c'est super. Écoutons-la. Alors Anne Sylvestre, on en parle juste après, le temps que Jonas trouve le morceau qui s'appelle. Lequel on a mis ? Jonas, tu l'as ? Il dit rien, mais il a fait signe que non. Je peux peut-être en parler de Anne Sylvestre. Vas-y, parle-nous d'Anne Sylvestre, on va trouver le morceau. Alors, en fait, Anne Sylvestre, elle était... alors moi, je parle aussi des liens d'amitié. Je pense qu'ils se sont connus assez tôt dans cette période-là. Je pense que, pour le coup, ils partageaient la scène du Cheval d'Or. C'est quelqu'un qui est très importante dans la chanson française. Moi, je l'ai connue parce qu'elle a fait des chansons pour enfants que mes parents me faisaient écouter sur vinyle quand j'étais gamin, dans les années 80, et qui a une carrière, je pense, avec un certain nombre de productions vraiment très conséquentes. Et il y a un monsieur qui m'en a pas mal parlé, si vous voulez un peu écouter, qui l'a fait chanter dans plusieurs de ses cabarets, notamment un sur Riffard qui s'appelait Gare au Riffard. Et c'est un monsieur qui s'appelle Gérard Morel. Peut-être vous pourrez aller écouter. Anne Sylvestre... qui était dans ce monde très masculin, une des chansonnières. Il y en avait quand même un certain nombre, on le voit d'ailleurs dans le documentaire de Yves Geland, qui était un des personnages dans les amitiés de Roger Riffard, qui gravitait autour de ces soirées parisiennes de la fin des années 50. Il n'y a pas de Anne Sylvestre. On peut peut-être alors, soit on a Michel Arnaud, soit on a Suzanne Gabriello. Bah c'est voilà, la panique c'était... en régie. Il fallait forcément pour la première émission de 2022 un bug. Tiens, une boom bombo sans un bug mais technique. Allez, sans mettons une couille. Femme, comme ça on reste dans le délire. Suzanne Gabriello, un très joli morceau écrit par Roger Riffard. Ça s'appelle La cigarette. Et ce coup-ci, il ne va pas y avoir de bug. Ouais, on a un bug, ça y est. Boom bombo, jusqu'à 23h. Le long des chemins de Suresnes, où le vent caressait nos joues, je vais maintenant solitaire. Et pourtant, ces coulées d'argent sur la Seine, c'est le soleil d'avril qui joue, le même qui baignait naguère nos 20 ans. Comme papillons et fleurettes, les amours de printemps sont brèves. Moi je fume une cigarette et je rêve. De jeunes couvées pinsons perchés sur de nouvelles branches ont changé l'âme du vieux chêne. Et pourtant, je crois entendre nos chansons à la guinguette du dimanche, comme un écho qui se promène dans le temps. Et les souvenirs font la ronde au son des rengaines très douces, tandis que je grille une blonde sur la mousse. On s'est aimé, c'est naturel, de la première pâquerette jusqu'à la saison du colchic. Et pourtant, du paysage immatériel qui monte de ma cigarette, surgit le passé magnifique par instant. Et sur la berge enluminée, une ombre auprès de moi se couche, qui vient cueillir de la fumée sur ma bouche. Suzanne Gabriello, La cigarette. Vous écoutez toujours Prune, vous écoutez toujours Boom Bomo, une émission spéciale, notre première de 2022, consacrée à Roger Riffard. Et pour parler de Roger Riffard, nous avons invité l'éditeur nantais Benjamin Roverdi, qui nous parle parfaitement de ce grand monsieur qui avait une sacrée plume quand même. Il est magnifique, ce texte écrit pour Suzanne Gabriello. Ouais. En fait, Riffard, il arrivait à faire des petites chansonnettes, mais c'est pas péjoratif, hein. Tu vois, c'est le truc, tu vois ce que c'est, enfin, toi qui défends aussi ce côté-là, c'est le truc qui va te chercher au fond, là, et sans forcément de complexité. Voilà, c'est, pour moi, c'est parler simple. En même temps, les mots sont assez profonds. Donc, il peut te parler des copains, mais sur ce qui est vraiment l'amitié, c'est-à-dire le gars où, si t'as une merde, ton copain, il sera là. Et c'est, pour moi, c'est ça la définition d'un copain ou d'une copine. Et donc, vraiment le lien qui s'est fait assez vite, une fois que moi j'ai un peu enquêté pour retrouver son ayant droit, puisqu'on a finalement réussi à l'avoir. Ça m'a pris à peu près 2 mois d'enquête. Comme je disais, ouais, j'ai une formation de journaliste. En plus, mon père est gendarme. Donc, son surnom d'ailleurs, c'est Huggy les bons tuyaux. Donc, j'ai eu un Huggy les bons tuyaux qui est Gilles Tcherniak, donc, dont le papa Léon tenait ce cabaret, le Cheval d'Or, et sa maman Yvonne. Et en fait, en tirant le fil par un certain nombre de fils de gens qui sont un peu des fans de Roger Riffard, il y a notamment un site qui s'appelle rogerriffard.free.fr. Allez, on quitte Google, on quitte Google Maps. Ouais, et puis on va sur free.fr. Il existe encore des sites en free.fr, en HTML. J'en ai assez, il est trop content. Ouais, ça vous parle. Et là, c'est vraiment du site de fan de chez fan de chez fan. Wow. Et un de ces fans m'a mis en relation avec un autre, qui m'a mis en relation avec un autre. Je me suis retrouvé au Canada avec quelqu'un qui était ami avec Anne Sylvestre. Entre deux, Anne Sylvestre décède. Donc hop, je repars à zéro, je vais sur je suis carrément allé, attention les gars, vous êtes bien assis, je suis allé sur Copain d'avant pour essayer de... Ah ouais. Ouais, parce que j'ai trouvé des infos sur en fait son ayant droit qui est au final son petit-fils, Roger Riffard, un petit-fils qui a récupéré les droits en fait, puisque les ayants droit, c'est entre guillemets quand un décède, ça descend d'un cran. Et du coup, en enquêtant, j'ai retrouvé un peu son nom et où il habitait, où il avait travaillé. Donc j'ai appelé son ancien boulot. On m'a dit non, il ne travaille plus là depuis 3-4 ans. Donc j'ai cherché sur Copain d'avant des gens qui étaient au collège avec lui. Et un jour, quelqu'un m'a rappelé en disant voilà, je te file une info. Et il m'a filé le contact de cette personne. Jonas, on est en train de parler d'ayant droit rare. C'est quel niveau de digue ça? Là, ça dépasse tout. Là. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu un parallèle où quand tu essayes de chercher, quand tu fais, tu dis que tu vas chercher des vinyles, des trucs, personne ne trouve. En fait, Roger Riffard, c'était impossible quasiment de tomber dessus et qu'on le réédite, mais pourtant on l'a fait. Et trouver son ayant droit, ça a fait partie du kiff en fait de le rééditer. Moi, il n'y aurait pas eu ça, j'aurais pris encore moins de plaisir. Même si je me suis pris la tête, j'ai passé beaucoup de coups de fil, j'ai recroisé beaucoup d'infos, vraiment un travail d'enquête, mais être éditeur aussi, parfois, quand tu fais un travail de réédition, faut creuser des fils. Moi, j'adore faire ça parce que j'apprends des gens, je fais des connexions. Et donc, je tombe sur son petit-fils qui a permis d'ouvrir la possibilité de le rééditer. Et je découvre vraiment ces textes, je les relis plusieurs fois. Donc, nous, on en a publié deux. Donc, le premier s'appelle La Grande Descente. Donc là, on revient sur sa vie de cheminot, en fait. Donc, c'est un roman noir. On est en quelle année, La Grande Descente? On est en 1954. Donc un petit peu avant sa carrière de chanteur. Voilà, exactement. C'est lui, par étapes. C'est 45 tours, c'est plutôt entre 59 et 62. Voilà. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'en fait, il commence à écrire des romans. Et quand tu lis ses romans, tu vois, en fait... qu'après, il a taillé dedans, si je peux résumer, et ça donne un peu les paroles, les chansons qu'il a écrites. C'est-à-dire qu'il garde le même cœur, et il a taillé, et ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il a taillé, c'est meilleur. C'est qu'à un moment de sa vie, ça a été une forme de progression qui a été la sienne. Et dans ses romans, tu as déjà tout, quoi. Tu as déjà tout, tu as l'écriture, la profondeur, le fait d'être raccroché à cette époque-là, mais même encore aujourd'hui, tu as une étiquette sociale, ça va être extrêmement dur de s'en détacher, tu vas être ramené sans arrêt au sol par ta condition, par où tu étais né, par ta couleur de peau. Et lui, à l'époque, c'est voilà, tu es un ouvrier, tu vas rester ouvrier et tu mourras ouvrier. Et finalement, lui n'a pas suivi cette voie, même s'il est resté un peu dans l'ombre, il a réussi un peu à s'extraire de ça. Et donc, c'est en premier texte, il raconte les cheminots, quoi. Ils ont tous des blazes. C'est marrant parce que ça fait un peu écho au hip-hop, d'ailleurs. Je me suis dit ça l'autre fois. Ils ont tous des surnoms. Ouais. T'as le roux. Son meilleur pote, c'est celui qui l'initie un peu à la vie de cheminot. C'est le vieux, qui est hyper important. Et quand il décrit les passages avec le vieux, c'est hyper beau. C'est que c'est une amitié hyper profonde, hyper solide. Il apprend autant à draguer qu'à lever des lièvres au collet, quoi. Donc, de braconner à l'époque, dans les années 50, pour croûter, parfois faut aller braconner. Et je peux lire un petit extrait de La Grande Descente. Donc, pour remettre dans le contexte pourquoi ça s'appelle La Grande Descente, c'est qu'en fait, à l'époque, quand tu es cheminot, donc c'est un travail, comme je disais, de prolo qui est très, très, très physique et très dur. Et en fait, tu bosses une dizaine de jours d'affilée, t'en chies vraiment, il n'y a pas d'autre terme. Et au bout de 10 jours, tu as une relâche de 3 jours. Et les cheminots, entre eux, appelaient ça La Grande Descente. C'est-à-dire que, en gros, tous les vices ressortaient, tu picolais, je pense que tu faisais l'amour un peu, tu te lâchais, quoi. Tu faisais la tournée des cabarets, et puis au bout de 3 jours de grande descente, tu reprenais le boulot. je pense, dans un état pas toujours... D'où le nom de ce premier texte d'où le nom, que vous avez édité. Un polar, et ça commence par... Tu veux que j'allume la lumière ou ça va aller? On est un peu dans la dans, non, dans l'obscurité. Non, c'est bon, on est dans la pénombre, mais j'aime bien. J'ai l'impression, tu sais, dans les émissions tard le soir, où tu lis des choses. Voilà. Alors, je ne lis pas forcément très bien, donc je vais essayer de m'appliquer. Mais... Vas-y. Donc, le contexte, c'est un cheminot, et là, on est presque dans sa tête, et vous allez voir, il s'est fait choper par la flicaille. Je marche entre deux sergents de ville. Mes mains sont liées, mon regard traîne à terre. Cette moite grisaille qui défile sous mes pas, c'est le quai de la gare. Ces balanciers de plomb que j'aperçois et qui passent alternativement sous moi, ce sont mes jambes. De lourdes jambes et des pieds pesants qui ne m'appartiennent plus. Jambes et pieds sont devenus propriété de la police. Tout ce qui est à moi est à la police. Je ne possède plus rien. Prenez, sergent de ville, mes habits, mon corps, ma vie. Ainsi je vais, tête basse, mains accouplées, en me dandinant. Mes cheveux ébouriffés collent à la froideur sueur de mon front. Un quart d'heure plus tôt, les copains, accourus au dernier cri du rouquin, regardaient rouler les wagons sur un tas sanglant qui gigotait encore. Certains avaient escaladé l'escalier à toute allure pour me rejoindre sur la passerelle. Leur visage était horrifié. Anselme s'était faufilé au premier rang. Il me photographiait d'un œil incrédule, bouche entrouverte, puis ce fut une cavalcade dans l'escalier qui dégringolant sur le quai pour aller contempler les tripes du rouquin, qui grimpant 4 à 4 pour venir me lorgner avec terreur. Donc il s'est passé un drame qui ouvre le truc, et après c'est sans arrêt un flashback sur voilà, ta vie d'ouvrier, et ça te ramène à « je me suis fait arrêter la police, mais pourquoi ?» Et moi, ce livre, il y a un peu voilà, l'essence de son écriture qui parfois, là c'est assez noir, hein, c'est vraiment, je disais, c'est un roman noir, mais il y a de la beauté, il y a une luminosité dans certains personnages par leur générosité. Ça fait, je te le disais tout à l'heure, écho à un film qui est formidable, que je ne connaissais pas. Et on m'a dit, tiens, mais en fait, il y a une partie de ce qu'il raconte dans ce film-là. C'est Le jour se lève de Marcel Carné avec Jean Gabin. C'est un film de 1939. Franchement, je vous invite à le regarder. C'est un film magnifique. Et ça commence, c'est un flashback, c'est un mec qui bute un gars dans un immeuble tout en haut, le mec dégringole, et après on va découvrir pourquoi il dégringole, pourquoi il y a un mort, et pourquoi Jean Gabin a tué, puisque c'est Jean Gabin le meurtrier, et on est le mec en fait s'enferme dans son appartement et ne veut plus sortir, et c'est un flashback. Et donc là on est chez les prolos, et on commence sur ce roman, et on va découvrir voilà ce qui s'est passé sur cette histoire de, en gros c'est entre bonhommes, hein, il y a pas de femmes à l'époque chez les cheminots, et c'est des histoires de rancœur, c'est aussi des histoires d'amitié, et avec une profondeur, comme je le disais, de littérature de bah d'ouvrier, quoi, ce que c'est d'être collé au bitume et au rail. On écoute un morceau de Roger Riffard, un peu plus tardif donc que ces deux romans, un morceau de 1962 qui fait quoi un petit peu à ce que tu viens de, à la façon dont tu décris cette écriture. Roger Riffard, le morceau s'appelle Timoléon le jardinier. On reprendra l'antenne juste après pour conclure tranquillement. Vous écoutez Boom Bomo. Clara, ma fille, d'où rapportez-vous tant de brindilles dans vos cheveux fous? Par quelle sorte d'horloge trompée n'êtes-vous rentré qu'à la nuit tombée? Voici maman, le vent ayant soufflé au crépuscule, je m'en suis allé ramasser la feuille du marronnier avec Timoléon le jardinier. Clara, ma fille, nous apercevons quelques désordres parmi vos jupons, mais par quelle manœuvre accidentelle en avez-vous déchiré la dentelle? Voici maman ayant prêté la main élaguer les ronces du chemin. Je dus aller trop loin dans le hallier avec Timoléon le jardinier. Clara, ma fille, sans épiloguer, je vous découvre ouvre des yeux fatigués, encore qu'une étonnante lumière ce soir s'échappe d'entre vos paupières. Voici maman, l'instant nous parut bon pour étaler de l'ail et de l'oignon. Et c'est pourquoi je fus dans le grenier avec Timoléon le jardinier. Clara, ma fille, ce zèle nouveau qui vous attache à ces rudes travaux me semble passer un peu la mesure. Voulez-vous m'en préciser la nature? Voici maman, souffrez que d'aujourd'hui je vous puisse être d'un précieux appui. Tant il est vrai que vous vous surmeniez avec Timoléon le jardinier. Timoléon le jardinier, Roger Riffard, 1962, toujours avec Benjamin Roverdi des éditions Bouclard, cette maison d'édition qui a réédité donc La Grande Descente, un premier texte de Roger Riffard dont tu viens de nous parler, 1954. Et vous avez également réédité en même temps Les Jardiniers du Bitume, 1956, un autre texte de Roger Riffard. Ouais, donc là on était sur un roman noir et là on passe sur un autre délire, mais qui voilà, c'est super bien d'écouter ce titre-là. C'était aussi un terrien. Il était né voilà, à la campagne. D'ailleurs, il y est enterré. Il est enterré dans un cimetière en Ariège, sur une commune qui s'appelle Banhard, si vous voulez aller vous promener. C'est magnifique là-bas. Et en fait, ce bouquin, Les Jardiniers du Bitume, qui a déjà un titre qui claque, quoi, Les Jardiniers du Bitume, qui fait hyper écho à des trucs qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire bah, se barrer de la ville pour avoir son petit lopin de terre. Et lui, ce bouquin, c'est un mec qui est à l'usine, qui fait les 3-8 quand chie, qui vit dans une cité ouvrière avec son voisin dont le fils a la coqueluche, ce qui est un peu comme, en gros, être tubard à l'époque, avoir la tuberculose ou aujourd'hui le Covid. Donc, tu ne sais pas si tu vas survivre, surtout chez un enfant. Et en fait, avec son voisin, leur objectif, c'est d'avoir leur lopin de terre à la campagne. C'est-à-dire s'extraire de sa condition où t'es d'ouvrier, où t'es sans arrêt retenu vers le bas, et de se dire, bah, à un moment, j'irai cultiver mon terrain, j'irai cultiver mes tomates, et je ferai ce que je veux de ma vie sans avoir un patron ou à l'usine, tu vois, il y a un mec qui est là et qui check tout ce que tu fais. Et c'est ce qu'il raconte dans ce bouquin, où il y a aussi cette histoire d'amitié. Il y a un lieu central, qui est un bar avec une patronne qui s'appelle Lugénie, qui fait des sandwichs au hareng. Était pareil dans l'époque, collé avec eux. Moi, je les entends picoler, manger des sandwichs voilà, au rang, qui est vraiment chelou. Et de se dire, voilà, bah, qu'est-ce qu'on va foutre de notre vie? On va aller, voilà, on va aller retourner à la terre, quoi. Les Jardiniers du Bitume de Roger Riffard, c'est donc le deuxième texte que vous avez réédité. Il y a un troisième texte qui est une pièce de théâtre. Ouais. Ça, vous ne l'avez pas réédité. Et non. Il y aurait... Alors là, attention, Jonas, on franchit encore des caps dans le dig. Il y aurait un quatrième texte, mais c'est pas sûr. Tu tiens cette... C'est une info, c'est incroyable, l'histoire. C'est... en fait, un jour, je reçois... C'est véridique, hein. Je reçois un appel sur mon téléphone. Je suis en train de faire autre chose et j'écoule mon répondeur, genre une demi-heure après. Et là, je m'en suis voulu de ne pas avoir décroché. Et j'écoute le message et j'entends... Bonjour, c'est Daniel Prévost. Et en fait, c'est Daniel Prévost qui avait eu mon contact par Gilles Tcherniak, qui le connaissait, qui est voilà encore une fois mon Hugues les bons tuyaux. Et Daniel Prévost me dit voilà, j'étais très ami, je lui avais envoyé les bouquins en fait. Et il était très ému, très touché qu'on republie les textes de son ami Roger. Donc il l'appelait aussi Roger. Et au fur et à mesure de la discussion, qui est assez cash, c'est un mec, tu sais, il va droit au but. D'ailleurs, il m'a repris, c'était assez drôle. J'ai fait une erreur d'accord en lui parlant. Il me dit, non, on ne dit pas comme ça. C'est son humour un peu qu'on connaît à la télévision ouais. française. Alors que c'est un mec qui est absolument charmant. Il me dit, je pense, il a plus de 80 printemps, Daniel Prévost, me dit, je me souviens d'un jour avec Roger. Il ne me dit pas qu'ils sont en train de boire des coups, mais je pense qu'ils buvaient des coups. Et Roger lui a parlé d'un texte qu'il était en train d'écrire, qui n'a jamais été publié, a priori d'après lui en 1963. Donc il me raconte ça en 2020 ou 2021. Et il essaye de se souvenir d'un truc qu'on lui a dit en 1963. Il me donne vaguement quelques éléments sur le texte en disant qu'il n'a jamais été publié. Moi, j'en ai jamais eu vent. Donc là, on commence à... Moi, ça m'a titillé. Donc, on est parti sur d'autres bouquins, mais peut-être qu'à un moment, on le republiera. On a retrouvé les manuscrits perdus de Céline. Pourquoi pas retrouver les manuscrits perdus de Roger Riffard ? On va enquêter. On avait un morceau à passer de Daniel Prévost. On ne va pas avoir le temps. Je préfère qu'on ne passe pas le morceau et qu'on soit relax pour faire la petite promo plutôt que de passer le Daniel Prévost. On voulait l'écouter. Comment il s'appelle, Jonas, ce morceau de Daniel Prévost qu'on voulait passer ? C'est Mon Bateau. Mon Bateau, un morceau écrit par un certain... Roger Riffard, évidemment. Franchement, incroyable ce travail que tu as fait, que vous avez fait. Respect pour les éditions Bouclard là, d'avoir remis en valeur ces vieux textes de Roger Riffard. Et nous, du coup, on rebondit de façon un peu bizarre. Hein. Comme je le disais, Boom Boomo, c'est la musique. Donc nous, ça intéresse plutôt à ses 45 tours et à son unique album. Mais merci beaucoup, Benjamin, d'être venu nous présenter ça. Il y a plein d'actualités, plusieurs actualités pour les éditions Bouclard. Bah déjà, les livres de Roger Riffard, vous pouvez les trouver un peu partout, en librairie ou sur notre site internet, donc bouclard-édition avec un pluriel.fr. Dans les choses à... Donc là, on a sorti deux romans dans une nouvelle collection de romans plus contemporains. Là, c'était de la réédition des années 50, mais on fait aussi des romans contemporains. On a sorti deux bouquins, un truc complètement barré que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Cicatrisés de Saint-Sauvignac. C'est un texte québécois écrit à 8 mains, une autrice et 3 auteurs. Et c'est une histoire, un roman chez les rednecks québécois, chez des ados rednecks, avec une langue québécoise assez incroyable, qu'on vient de rééditer, donc Les Cicatrisés de Saint-Sauvignac. Et un autre texte que je vais t'offrir d'ailleurs, qui s'appelle Tigre à la dérive. Et c'est l'histoire d'un adolescent dans les années 90 en Argentine. Il y est question de boxe, mais aussi de football, de Maradona et de Bielsa. Oh là là. Puisque Bielsa était entraîneur d'une équipe à Rosario. Bien sûr. Mémoire. Et il en est question dans ce roman de l'auteur qui s'appelle Nicolas Zeisler, qui, c'est un roman inspiré de sa vie, mais c'est aussi un roman qui se passe avant le krach boursier à Buenos Aires et après à Rosario, sur l'histoire d'un gamin qui perd son père et qui essaye d'en s'en trouver un nouveau, et qui va le trouver dans des figures un peu, qui vont reprendre un peu la place du père. Donc ça s'appelle Les Tigres à la dérive. Et notre prochaine sortie, on va commencer les préventes demain, jeudi, et ça sortira en mars, début mars. Ça s'appelle Pirate, avec un Y. Et c'est une non-fiction, donc c'est un garçon qui s'appelle Fabrice Chillet, qui est un auteur de romans, on a travaillé ensemble sur un pirate moderne. Donc ça raconte sa vie, qui a commencé par dessiner des têtes d'ogives nucléaires pour la marine à Brest et qui a fini par faire de la piraterie dans le golfe d'Aden et aussi à traverser une tempête qui est une des plus grandes de l'histoire, en tout cas. Bouclée. Ouais, un truc incroyable, une tempête qui s'appelait Gafilo au large de Madagascar en 2004, qui a fait 300 morts. Et il était sur un petit bateau, il avait une crise de palu et il a survécu. Il a traversé une vague, ce qui est théoriquement pas possible. Et on raconte ça dans l'auteur Fabrice Chillet. La boucle est bouclée, puisqu'on parlait au début d'émission de vos sujets absolument incroyables et on reparle en fin d'émission de vos sujets absolument incroyables. Ouais, c'est un truc assez barré, et qui est dans une collection qui s'appelle Tout est vrai ou presque. Il faut qu'on envoie le dernier morceau. On aurait dû prendre 2 heures d'antenne, Jonas, la prochaine fois. On fera un peu plus long. La prochaine fois, on en reparle. On va essayer d'être là mercredi prochain et celui d'après. Mais il y a des petites modifications de nos emplois du temps pro. On verra. Notamment de mon côté. Donc, on voit si on fait des enregistrements à la maison. On voit si on prend une semaine ou deux de pause. On se débrouille. Boom Boomo ne part pas. Boom Boomo va essayer de se réorganiser. Benjamin Roverdi, merci. Merci à vous. Bouclard Édition, merci Roger Riffard et tous ses ayants droit. Merci, on croise les doigts pour retrouver le 4e texte inédit, jamais publié. Et on se quitte avec, c'est moi qui l'ai choisi le dernier parce que je l'aime bien, Roger Riffard, La Petite Maison. On fait une dédicace à Alexis Pauline parce qu'on ne l'y avait pas encore fait. Je sais qu'il aime bien Roger Riffard. On se retrouve, j'espère, la semaine prochaine. Benjamin, encore merci. Merci bisous à vous. Bisous les petits loups. Ciao les petits loups. Je n'aurai pas de petite maison pour y chanter mes petites chansons. Je les chanterai sur les chemins comme c'est écrit dans le creux de ma main. Les habitants des petites maisons se disent entre eux que je suis un paresseux. Ils n'ont pas tort, les habitants des petites maisons où l'on se plaît tant. Je n'aurais pas de petit jardin pour y cueillir des prunes d'Agen. Je les cueillerai sur les sentiers si par hasard je trouve un prunier. Les jardiniers des petits jardins se disent entre eux que je suis un paresseux. Ils n'ont pas tort, les jardiniers des petits jardins qui font rêver, faute d'avoir des économies. Je rendrai pas l'âme dans un bon lit, je la rendrai à l'hôpital sur un matelas municipal. Les possesseurs d'économie se disent entre eux que je suis un paresseux. Ils n'ont pas tort, les économes qui se paieront de jolies couronnes pour jouir d'un certain confort, orner sa vie d'une douce mort. Il faudrait beaucoup travailler, moi j'ai pas pu m'y habituer. Les jouisseurs d'un certain confort se disent entre eux que je suis un paresseux. Ils n'ont qu'un tort, les gens actifs, c'est de ne rien faire. Pour les oisifs, c'est de ne rien faire. Pour les oisifs.